Et là, moi, si je parle, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Ah ben voilà, donc je parle. Mais vous la connaissez, ma voix, de toute façon. Vous m'avez même déjà vue en vrai, alors... Faut pas exagérer non plus, hein. Dante! Coucou Choupette!